dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue? Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain? Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la modernité vient-elle se greffer sur l'espace ancien et traditionnel de l'Empire ottoman au moment des réformes du sultan Mahmoud II entre 1826 et 1830, s'interroge l'historien Etem Eldem. Comment le sultan se fait-il plus présent, plus autoritaire? Comment redéfinit-il Constantinople-Istanbul par la construction de bâtiments militaires? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'université anglophone de Boğaziçi, Etem Eldem nous entraîne dans une grande série sur plusieurs années intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Cette semaine, il s'attache au règne de Mahmoud II, à l'ère des réformes entre 1820 et 1839. Depuis plusieurs cours, il interroge la figure de Mahmoud II en autocrate moderne. Le cours précédent s'était achevé sur les transformations du sultan en figure de capitaine, donnant l'exemple de la modernité. Alors que la célèbre garde ottomane des janissaires est éliminée, Etem Eldem a cité un rapport de l'ambassade en date du 26 juin 1826 qui indique que depuis le 15 juin, le sultan Mahmoud a toujours été costumé à l'égyptienne, sorte d'habit militaire aussi riche qu'élégant. Cet exemple est généralement suivi. Il paraît hors de doute que sa hautesse est sortie du sérail dans ce costume le jour même où le danger était si grand. Toujours à la date du 26 juin 1826, le rapport note également que le sultan Mahmoud continue de donner l'exemple des réformes dans l'intérieur de son palais. Il soutient ses ministres dans leurs travaux par son ardeur et par son application personnelle. Aujourd'hui, Etem Eldem analyse comment Mahmoud II bouleverse les codes ottomans et comment il transforme son état en un état de plus en plus militaire. L'historien nous présente le règlement de la nouvelle armée en juillet 1826 et la réforme de l'uniforme et du costume en mars 1829, dont l'apparition du fez est l'un des grands symboles. Alors comment les choses changent-elles au sein de l'Empire ottoman sous le règne de Mahmoud II, s'interroge Etem Eldem. Pourquoi pose-t-il en calife? Pourquoi choisit-il de s'exposer, de voyager, de briser le silence traditionnel du sultan? Comment en arrive-t-il à inquiéter ses ministres, le clergé, les oulémas? Et au-delà de la forme, y a-t-il un ancrage des réformes dans la société et dans l'état profond? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 8 février 2019 pour le cours d'Etem Eldem, aujourd'hui, réformer et reformer l'état et la société. Nous arrivons à la fin, pratiquement, de cette série. Et je vais essayer d'avancer un peu et de parler de ce que je décris ici, réformer et reformer l'État et la société, donc le projet de Mahmoud. Si vous saviez le temps que je passe à essayer de trouver un titre aguichant à chaque fois, sans tomber dans des platitudes ou des jeux de mots faciles, bon. Mais je crois que ça dit bien ce que je veux dire. Nous parlons d'une révolution par le haut, nous parlons d'un souverain qui est en train de se reconstituer, de transformer la manière dont un souverain est perçu dans le système ottoman, et qui, de ce fait, est en train de modifier ou de tenter de modifier le système à sa guise. On a déjà assez parlé du massacre des janissaires, l'élimination, la purge, si vous voulez, pour utiliser un terme moderne, ça fait penser un peu à l'Union soviétique, ça fait penser à d'autres contextes aussi, une purge, une véritable purge de la société par le biais de ce corps d'élite, ou soi-disant d'élite, de l'armée ottomane. Je vous ai choisi, alors là je ne peux pas trouver toujours exactement ce qu'il faut en tant qu'image, mais j'ai trouvé une belle image qui est un peu plus tardive, vers 1840, par un certain Hubert Sattler. C'est un Autrichien dont la spécialité, semble-t-il, était une des lubies du XIXe siècle, très très populaire, les cosmoramas. Il peignait des cosmoramas et ensuite il les exposait à Vienne. Et donc il voyageait énormément pour reproduire des scènes de sites célèbres et de villes célèbres. Et voici une partie de son cosmorama de Constantinople, d'Istanbul. Si je l'ai choisi, c'est pas uniquement parce que c'est joli et que ça a des couleurs, c'est aussi parce qu'on y voit, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène de Mahmoud accompagné de son Seraskel, Hüsrev Pacha se rendant au Seraskerlik, au Seraskera, c'est-à-dire au ministère de la guerre. On avait vu cette porte assez typique, un grand auvent, qui ressemble en fait à la Sublime Porte. C'était la porte d'entrée de ce qui est aujourd'hui le campus de l'université d'Istanbul, ce qui était à l'époque le Eski Saray, le vieux sérail. Et on y voyait donc, on était exactement de l'autre côté en fait de cette porte. Vous voyez, la voici, cette porte. Cette porte est donc la nouvelle porte de cette institution qu'il a créée, non seulement l'armée, puisque effectivement il a transformé l'armée, mais c'est la structure même, le fait d'avoir un généralissime à la tête de l'armée, le premier étant le fameux Hüseyin Aga Pacha qu'on avait vu dépeint par Champmartin, cet ancien janissaire qui avait épousé la cause de son maître et qui était devenu l'instrument de la montée en puissance de Mahmoud. Donc, pour ceux que la topographie d'Istanbul intéresse, nous sommes au sommet de la tour de Bayezid, la tour qui existait avant, et c'était une tour plus ou moins consacrée aux janissaires, puisque c'était une tour d'incendie, c'est-à-dire que on y montait le guet pour les incendies qui étaient fréquents. Les janissaires ayant la charge du corps des pompiers, cette tour était identifiée avec le corps des janissaires. Elle a été abattue après 1826 et ensuite rebâtie et rebaptisée tour du Seraskerat, tour du généralissime de l'armée. Et ce qu'on voit ici, ce sont bien sûr les anciens murs du palais, ce palais secondaire qui était utilisé essentiellement comme remise pour les, disons, les dames d'un certain âge qui avaient vu de meilleurs règnes. Et là, vous avez la partie noble de la ville. On voit ici Hagia Sophia, Sainte Sophie, la mosquée bleue ici. Ici, cette fameuse mosquée de Nur Osmaniye dont je vous ai parlé l'année dernière à cause de son style baroque, et on reconnaît ici sa cour en fer à cheval, en ovale, qui est très italienne, si vous voulez. Et ici, la mosquée de Bayezid, qui n'est pas aussi grosse qu'il ne paraît, c'est tout simplement un phénomène de perspective que Sattler ne maîtrisait peut-être pas tout à fait. Elle est magnifiée, elle est amplifiée du fait de sa proximité. Et toute cette section-là, d'ailleurs vous voyez tous ces dômes, cette multitude de dômes, c'est le grand bazar, c'est le cœur économique de la ville, ce sont les han, ces édifices commerciaux, c'est le nerf, si vous voulez, financier et commercial de la ville. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est la reconversion de cet ancien palais, et la reconversion, on la voit bien ici, avec des tentes, c'est un camp militaire. Et pour les Ottomans, le camp est très important. Je vous rappelle que lors de l'événement heureux de 1826, Mahmoud, le sultan, et son entourage ont littéralement campé pendant près d'un mois pendant les opérations. Le fait de camper, le fait de quitter son palais et de se mettre sous la tente, c'est en fait un geste militaire, c'est le fait de se mettre en campagne et c'est le fait de souligner en quelque sorte le côté extrêmement militaire de cette révolution que nous avons déjà étudiée. Ce qui est différent en revanche ici, ce sont les tentes elles-mêmes. Je ne suis pas un spécialiste de l'art militaire, mais là, ce que vous voyez, ce ne sont pas des tentes ottomanes, dans la tradition ottomane, qui sont en général des tentes extrêmement fleuries, décorées, un peu à la manière des tapisseries et des tapis d'Orient, surtout celles du sultan, où vous avez un énorme auvent qui permet au sultan de siéger, de trôner, même s'il est en campagne. Et c'est une tradition qui sera maintenue jusqu'à la fin de l'Empire. C'est-à-dire que vous avez des photos de Vahdettin, Mehmet VI Vahdettin, le dernier sultan ottoman, qui, en 1918-1919, assiste à un spectacle plus ou moins militaire sous la tente, ou du moins sous le dé qui symbolise la tente. Et bien sûr, le dé est recouvert au sol par des tapis orientaux. Donc, Tandis que là, ce que l'on voit, ceux qui ont une familiarité avec la culture visuelle du XIXe siècle, vous y reconnaîtrez des tentes modernes, des tentes militaires modernes, comme on les faisait au XIXe siècle, telles qu'on les verra souvent dépeintes dans des illustrations de campagne, par exemple la campagne de Crimée, quelques 20 ans plus tard. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir déjà une modernité qui vient se greffer sur un contexte, un espace extrêmement traditionnel, ancien, mais en plus, c'est aussi la militarisation de la ville, la militarisation de l'État. Parce que ce que Mahmoud est en train de faire, il le fait manu militari, il le fait grâce à cette nouvelle armée qui s'est formée, et par conséquent, il est en train de reconstituer, reconfigurer, redéfinir toute la ville à coup de bâtiments militaires, notamment des casernes. Cela avait déjà commencé au XVIIIe siècle. Il y a un certain nombre de casernes, par exemple la caserne de Taksim qui est encore aujourd'hui un des centres de la ville moderne. Les premières casernes de Taksim ont été bâties au XVIIIe siècle. De même, cette énorme bâtisse qui se trouve de l'autre côté du Bosphore, du côté de Üsküdar, entre Üsküdar et Kadıköy, la caserne de Selimiye, elle tient son nom de Selim, troisième du nom. Même si la bâtisse que l'on voit aujourd'hui et qui a apparemment la particularité d'être une des bâtisses militaires les plus grandes au monde, sûrement après le Pentagone, mais enfin, c'est une caserne mahmoudienne. C'est une caserne qui a été bâtie justement dans les années 1820 et 30 par Mahmoud. Donc toute la ville est entourée, mais aussi truffé à l'intérieur de casernes. Il n'y en a pas vraiment dans la vieille ville, la ville intramuros, mais vous en avez beaucoup du côté de Galata de Péra, sur les hauteurs, et vous en avez surtout tout le long du pourtour des murs de Constantinople, Rami, etc. Ce sont des bâtiments qui signifient en quelque sorte cette transformation de l'État en un État de plus en plus militaire. L'État s'arme. L'État s'arme et il le fait de manière systématique. Ça fait partie justement de la manière dont Mahmoud est en train de reconfigurer tout le système. Enfin, encore une fois pour décrire la topographie de la ville, puisqu'on a toujours envie d'avoir un sens de l'espace, là vous avez les murs maritimes, les murs qui longent la mer de Marmara jusqu'au château des Sept Tours. Donc c'est le coin, si vous voulez, des fortifications byzantines de Constantinople. À partir de ce point, les murs commencent à se diriger vers le nord et vers l'intérieur et rejoignent de l'autre côté la Corne d'Or. En face, vous avez donc Üsküdar qui est un peu plus à gauche, on ne la voit pas, c'est l'endroit le plus urbanisé si vous voulez, mais dans un sens extrêmement traditionnel du terme, de la ville de Constantinople. Là, vous avez ce qu'on appelle Fenaraki ou Fenerbahçe aujourd'hui, c'est-à-dire une petite langue de terre qui s'avance dans la mer de Marmara et au bout duquel se trouve un phare, d'où le nom Fenaraki ou Fenerbahçe, le jardin du phare, le petit phare ou bien le jardin du phare. Et là, ce que vous avez ici, ce sont les îles dites des princes, que les Ottomans appellent les îles rouges ou rousses, à cause de la couleur de la terre, Kızıl Adalar, même si aujourd'hui on les appelle Prince Adalar, mais ce sont les Kızıl Adalar, ou alors tout simplement Adalar, les îles, puisque il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que ça comme île, il y en a quatre qui sont habitables, les autres ce sont plutôt des îlots, on les connaît comme étant les îles d'Istanbul. Et derrière, vous avez le rivage sud de la mer de Marmara, vers Bursa, Brousse, le mont Olympe, etc. L'Olympe anatolien, bien sûr, à distinguer de l'Olympe grec. Voilà, donc une image qui a l'avantage de vous donner une vision assez particulière et assez rare de la ville, puisqu'on a tendance à la voir toujours des hauteurs de Péra dépeintes par les diplomates, les voyageurs, etc. Donc on a toujours la pointe du sérail, le sérail, les grandes mosquées, la célèbre silhouette de la ville. Là, c'est un point de vue, une perspective différente qui est, à mon avis, extrêmement intéressante parce qu'elle vous montre des sections de la ville qui sont rarement vues. Mais encore une fois, l'accent est surtout sur ce camp à l'intérieur de la ville. C'est l'État qui, tout d'un coup, se militarise et devient de plus en plus prenant dans la ville même. Un petit rappel avec un autre passage de cette transformation de Mahmoud. Le grand seigneur a maintenant changé toutes ses habitudes. Il est toujours à cheval, une lance à la main, exerçant ses pages, s'exerçant lui-même et passant en revue les troupes de la nouvelle formation. Vous vous rappelez qu'il insistait pour se définir en tant que binbashe, donc capitaine, et non colonel comme c'était traduit dans le texte, mais bon. Et ce qui est intéressant, il ne veut pas être généralissime, il veut être un officier dont la mission est de former ses hommes. Donc il s'implique directement. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Encore une fois, je vous rappelle que le sultan ottoman, depuis le XVIe siècle, a en fait disparu de la circulation. C'est-à-dire qu'on ne le voit que très rarement. Et dans un contexte qui est extrêmement ritualisé, on le voit tous les vendredis lorsqu'il va à la prière, et c'est une procession où il est perdu parmi ses pages et son entourage. Sinon, le palais de Topkapı sert, en fait, lui sert d'écrin, en quelque sorte, mais surtout de lieu de retraite. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de la topographie du palais de Topkapı, vous avez une première cour, la plus grande, qui est d'un accès plus ou moins universel, tout le monde peut y accéder d'une manière ou d'une autre. Vous avez une seconde cour, un peu plus petite, mais toujours assez vaste, où se trouve l'État, c'est-à-dire le divan, les cuisines, enfin tout ce qui fait tourner la machine, si vous voulez. Et ensuite, vous avez la troisième cour avec le harem, ou plutôt les harems, parce qu'il faut toujours se souvenir que dans le système ottoman, vous avez un pendant masculin du harem. On pense toujours au harem comme étant le harem des femmes, etc. C'est vrai, bien sûr, et c'est une ville dans la ville, mais vous avez les oda des pages, les odas, c'est-à-dire les casernes, en fait, des pages, et ces pages constituent l'environnement privé, la maison privée du sultan. Et lui-même est au milieu de ce petit monde, et c'est un monde qui est inaccessible. Inaccessible, sauf à de rares occasions, par exemple, lorsqu'on a une audience du sultan, et encore, on ne va que jusqu'à la salle des audiences, et on ne va pas au-delà. Donc, le sultan qui, au départ, souvenons-nous des temps heureux où les Ottomans étaient des gazis, où ils guerroyaient allègrement. À cette époque-là, le sultan est partout, il est présent, il est primus inter pares, il est légal, mais un peu plus égal que les autres, il participe à la guerre, il participe à tout, il est beaucoup plus égalitaire, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus visible. Au fur et à mesure, il commence à se retirer visuellement, physiquement. Ça commence en fait avec Mehmed II, le conquérant, avec la vision impériale. On commence à sublimer en quelque sorte l'identité du sultan. Ça n'est plus un gazi parmi les gazis, c'est le sultan. Et par conséquent, on le voit moins, on accède moins à sa présence. Et même s'il participe à des campagnes, ce qui le rend quand même visible jusqu'à un certain point, c'est toujours dans une ritualisation, dans une organisation qui le coupe de l'univers du commun des mortels. Et à partir de la fin du XVIe siècle, une fois que les campagnes sont aussi arrêtées, ou du moins que le sultan ne va plus en campagne, le sultan est complètement confiné à son palais et n'en sort que pour la cérémonie d'investiture et pour la prière du vendredi. Et bien sûr, les deux pieds devant à la fin d'un règne. Donc c'est vraiment extrêmement limité, on ne voit plus le sultan. Et ça, bien sûr, on peut l'interpréter de toutes sortes de manières, mais c'est vrai que ça rend à la personnalité du sultan une sorte de prestige, d'aura. L'invisible est d'autant plus facile à devenir absolu. Donc ça marche un peu dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à force de sublimer et de retirer le sultan de la circulation, ils deviennent échangeables, remplaçables et échangeables. Ce qui explique que le régicide, ou du moins l'abdication forcée, le détrônement des sultans et leur remplacement par le prochain en ligne, est quelque chose qui se fait avec beaucoup plus de facilité que dans les monarchies occidentales. Dans les monarchies occidentales, il faut tuer le roi si on veut vraiment le remplacer. Il faut un Ravaillac, il faut une révolution, il faut quelque chose. Sinon, vous n'avez pas les moyens vraiment de remplacer, de jongler avec une multitude de candidats. Or, le système ottoman, surtout à partir du XVIIe siècle, est fondé là-dessus. Donc, c'est un équilibre assez étrange entre une sublimation qui augmente, amplifie la personnalité du sultan, et quelque chose qui le rend, en fait, tout à fait invisible et, par conséquent, échangeable avec quelque autre prince de la dynastie. Donc, c'est cela que Mahmoud, pour la première fois, va briser de manière magistrale. Non seulement il est visible, on le voit parader, etc., mais il prend sur lui ce rôle d'instructeur, de participant extrêmement actif dans la redéfinition de l'État. Donc il est toujours à cheval, une lance à la main, etc. Mais ce même changement de vie lui inspire un ton de jactance qui, quelquefois, alarme ses ministres. Alors pour ceux d'entre vous, et j'en étais, qui ne savent pas ce qu'est la jactance, c'est pas tous les jours qu'on utilise ce terme. La jactance, bon, on le devine, c'est une forme d'arrogance. Hein. C'est un terme qui apparemment est oublié, mais bon, grâce à Google, on trouve tout. Disons que c'est quelqu'un qui en jette beaucoup, si vous voulez. C'est de la jactance. Mais ce qu'il dit là, c'est intéressant parce que, encore une fois, il parle du rôle politique qu'il commence à jouer. Ce n'est pas simplement une fanfaronnade, c'est le fait qu'il est en train de s'accaparer quelque chose qui était jusque-là la propriété des dignitaires. Parce que c'est ce qui surprend toujours dans le système ottoman, le fait qu'on appelle ça le despotisme oriental, etc., mais en fait le sultan est extrêmement fragile, extrêmement limité dans sa capacité à régner vraiment. Il règne, mais il ne peut pas vraiment diriger. Il est souverain, mais il n'est pas forcément capable de gérer la situation puisqu'il doit s'en remettre à des institutions, il doit s'en remettre à des personnages, à des factions, et c'est comme ça que la politique ottomane marche. De là à dire que c'est une politique ou un système représentatif, non, bien sûr, on n'en est pas là. Mais ça n'est pas un despotisme qui pourrait se traduire par une forme d'autocratie concentrée dans un seul personnage. Or, ce que l'on voit en ce moment, c'est que Mahmoud est en train de se constituer en autocrate. Il est en train d'essayer de se construire en autocrate, ce qui, à l'avenir, va inspirer d'autres sujets. Par exemple, Abdulhamid à la fin du siècle. Donc un ton de jactance qui, quelquefois, alarme ses ministres. On sent bien que les ministres se disent « Mon Dieu, le système est en train de changer, on est en train de perdre le contrôle plus ou moins corporatiste que nous avions sur le système, il est en train de jouer tout seul au sultan. » Il parle en calife des anciens temps. Donc, on voit bien qu'il est en train de se, encore une fois, j'insiste sur le terme, en anglais, fashioning oneself, se façonner, se construire. Il est en train de construire une image de lui qui est en train de puiser dans tout ce qui est disponible en matière de rhétorique et de symbolique politique. C'est-à-dire que, d'un côté, il va piocher dans le répertoire occidental, et on le verra avec le costume, etc. Mais d'un autre côté, il n'hésite pas à utiliser les références les plus traditionnelles. On l'a vu pendant l'événement, toutes ces références à l'islam. Mais plus que cela, il pose en calife. Or ça, pour les sultans ottomans, on sait qu'ils sont califes depuis la conquête de l'Égypte et du Hedjaz en 1517. Mais c'est un titre et c'est une fonction qu'ils utilisent très peu de manière vraiment concrète. Le fait de déployer l'étendard du prophète et ensuite de jouer au calife des anciens temps, ça c'est une nouveauté, le calife des anciens temps, parce que là vous vous référez en fait à l'islam dans ses débuts, ce que les musulmans et les ottomans appellent le Asr Saadet, c'est-à-dire l'époque heureuse, l'époque du bonheur, une sorte de passé sur lequel on fantasme pour s'imaginer une société idéale. Donc il est en train d'utiliser ces références extrêmement primaires, allais-je dire, pour se constituer une personnalité forte et autoritaire. Et semble ne connaître plus d'obstacles depuis qu'il a brisé les janissaires. Le ministère, uni à la partie saine des oulémas, puisqu'on sait qu'ils sont tous fous, n'est-ce pas, joue le rôle de modérateur. Donc on voit, encore une fois, j'adore cette vision, même externe, même un peu ignorante, des Occidentaux, parce qu'ils essayent de comprendre. C'est la curiosité. Et par conséquent, ils essayent de voir comment ça marche, comment le système marche, et ils voient qu'il y a un jeu d'équilibre et que les oulémas, qui l'avaient soutenu au départ dans sa destruction des janissaires, sont en train maintenant de se rendre compte qu'il risque d'aller un peu trop loin et que par conséquent, il faut essayer de l'engager à se modérer, à modérer son enthousiasme et à essayer d'équilibrer ses tentations, ses velléités autoritaires. On doit désirer que ce ministère, tel qu'il est aujourd'hui composé, puisse résister longtemps aux passions du monarque et aux fléaux des intrigues dont il sera toujours si difficile de purger ce pays. Donc la politique est compliquée, mais elle est d'autant plus compliquée par le fait que vous avez un sultan fou, en quelque sorte, un sultan imprévisible qui est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux et se constituer en souverain unique et omnipotent. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830, aujourd'hui réformer et reformer l'État et la société. Essayons de voir un peu comment les choses changent. Et commençons par ce qui est le plus évident, c'est-à-dire la forme. Réformer et reformer. Quand on forme, beaucoup de ces transformations, et nous l'avons déjà vu au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, une grande partie des transformations reste formelle. Elle reste dans la forme, inscrite dans la forme, dans les symboles, et elle reste superficielle, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas au-delà de la capacité du réformateur d'imposer un certain format, un nouveau format, à son entourage immédiat. Commençons par cela, et on va voir si, au-delà de la forme, il y a un ancrage dans vraiment la société et dans l'état profond, si l'on peut utiliser cette expression. Donc, le règlement de la nouvelle armée, un mois, même deux semaines après les événements, si je le souligne, c'est parce que le règlement de la nouvelle armée comprend une partie qui redéfinit le costume. Donc la forme. Et cette image, dont je ne connais pas l'origine, anglaise probablement des années 1830 ou même un peu avant, elle est intéressante parce qu'elle, de manière assez caricaturale, elle représente un peu la nouvelle Turquie, le nouvel empire ottoman, avec une sorte d'échantillonnage de ces nouveaux costumes derrière une caserne. La caserne comme élément clé de la nouvelle montée en puissance de l'armée, sa présence dans la ville, bien sûr une mosquée, parce que bon, si on produit une image de l'Empire ottoman, comment peut-on la faire sans mosquée? Ça fait partie un peu du répertoire de l'imagerie de l'époque. Et là, ce que l'on voit, c'est l'uniforme. On le trouvera plus ou moins moderne, plus ou moins occidentalisé, mais ce qu'il a, c'est qu'il est uniforme, uniforme. Et ça, c'est la nouveauté, puisque, on l'a vu, les janissaires ou l'armée ottomane, d'une manière générale, ont en général beaucoup de fantaisie dans l'habillement. Il n'y a pas vraiment d'effort, et ça, ça va bien sûr de pair avec ce qu'on appelle le réglage ou le règlement de l'armée, c'est-à-dire le fait que les troupes sont forcées à pratiquer un exercice régulier, à marcher au pas, à se mettre en carré, en file, en je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des choses que les Ottomans ne pratiquaient pas auparavant, si ce n'est pour les parenthèses, bien sûr, du Nizam Jadid, sous Selim, etc. Donc, le costume, encore une fois, la forme, est-ce que le soldat change vraiment? Oui et non. On a beaucoup de témoignages qui prouvent que, d'abord, ils ne sont pas très performants, puisque on ne peut pas, du jour au lendemain, se créer une nouvelle armée, d'autant plus que ce sont de nouvelles recrues. On essaye de faire avec ce qu'on a sous la main et de remplacer une armée qu'on a éliminée. Donc, forcément, il va y avoir des couacs, des problèmes. Sont-ils vraiment convaincus de ce qu'ils sont en train de faire? Pas forcément, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de témoignages, encore une fois, de ces diplomates et observateurs occidentaux qui parlent d'enthousiasme de la population. Par exemple, et ça je crois que c'est quand même assez parlant, il y a un passage d'un de ces rapports dont je raffole, où le drogman, ou le diplomate, je ne sais plus qui c'était exactement, raconte que se promenant dans les rues de Constantinople, il était tombé sur un groupe d'enfants qui jouait à l'armée et qui imitait en quelque sorte ce qu'il voyait de plus en plus sur les esplanades de la ville, c'est-à-dire de marcher au pas, de s'armer, etc. Et voyant un Français, ils lui ont dit « Viens donc nous apprendre à nous exercer ». Donc je pense que ce genre de témoignage, ça ne s'invente pas. Et si les enfants dans la rue jouent à la guerre, jouent à l'armée, jouent aux soldats de plomb, c'est que quelque part, jusqu'à un certain point, il y a une sorte de transmission de ce nouvel enthousiasme du sultan au travers de l'armée jusqu'à certaines couches populaires. 1827, alors vraiment, je fais encore une fois dans la forme et dans la technologie, 1827, c'est une date plus ou moins importante, c'est le premier bateau à vapeur ottoman. Avant de les appeler vapor ou vapour, tiré directement de l'italien, et non pas du français, quand on le tire du français, on, à la fin du siècle, on commence à les appeler des vapeurs. Donc vapor, vapour, vapeur, mais à l'origine, il s'appelait bou. Et bou, B-U-G, l'unul, U, en turc, c'est la vapeur. C'est la vapeur, donc apparemment la première tentative a été de décrire la situation par un vocable turc. Et le premier de ces bateaux, acquis en 1827, fut bien sûr consacré au sultan. Il fut nommé Surat, ce qui veut dire vitesse, célérité, donc ça va exactement dans l'air du temps, et le sultan s'en servit pour faire quelque chose que les sultans ne faisaient jamais, un voyage. Un voyage, et pas n'importe où, et surtout pas la porte à côté, puisqu'il est allé en Crète. Donc, premier voyage impérial. Encore une fois, je vous rappelle que le sultan, quand on parle de voyage pour un sultan, on peut tout au plus parler d'un petit tour du côté de la mosquée, d'une ou une autre mosquée de la ville, pour le vendredi. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, avec l'ouverture du Bosphore. Le Bosphore devient une grande avenue, en quelque sorte, de la ville, avec des yalı, des résidences de pachas, des résidence de sultane et s'établissant le long du Bosphore et le long de la Corne d'Or, c'est là que la ville devient un peu plus pratiquée, si vous voulez, dans son ensemble, et les sultans se déplacent aux eaux douces d'Europe, aux eaux douces d'Asie, etc. Mais ce sont des petites sorties, des petites promenades en ville qui n'ont rien de très significatif. Or là, pour la première fois, le sultan quitte la ville, il quitte Istanbul. Et pas pour une campagne. Encore une fois, il ne sortait plus en campagne depuis la fin du XVIe siècle. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le sultan qui s'en va en tournée, parce que, encore une fois, c'est un colonel, n'est-ce pas? C'est un capitaine. Donc on voit bien que s'il a l'intention de prendre un bateau et d'aller voir la Crète, pendant que la guerre fait rage en Grèce, ce qui est quand même un risque, puisqu'il va devoir traverser toute la mer Égée, qui est infestée de corsaires et de combattants grecs, il va jusqu'en Crète, et c'est une tournée d'inspection, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le sultan qui commence à découvrir son empire. Non qu'il aille jusqu'au Hejaz, au Yémen, mais quand même, c'est un grand pas en avant. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça se répète. C'est-à-dire que, au cours de son règne, il va accomplir, je crois, 5 voyages au total. Aucun ne sera aussi long que celui de Crète, mais quelques années plus tard, en 1830, il ira de Constantinople jusqu'à Rodosto. Rodosto ou Rodoschuk en turc, aujourd'hui Tekirdağ, une petite ville qui se trouve à environ 300 km, 250 km de la capitale. Donc encore une fois, en passant par Ponte Piccolo et Ponte Maggiore, les Çekmece, les deux lagunes qui sont à proximité d'Istanbul. Donc encore un voyage d'inspection en 1830. En 1831, un voyage beaucoup plus important qui le mène jusqu'à Gallipoli et aux Dardanelles, et de là, il traverse jusqu'à l'île de Tenedos, l'île de Bozcaada en turc. De là, il rebrousse chemin, il rentre à Gallipoli, et de là, il va jusqu'à Andrinople, jusqu'à Edirne, l'ancienne capitale de l'Empire, avant Constantinople, et de là, il rentre à Istanbul. L'année suivante, il va à İzmit, Nicomédie, au fond du golfe du même nom, en passant par Gebnik, qui est une base militaire. Donc, à chaque fois, il y a une inspection de soit une usine, une fabrique, comme on disait, ou alors un arsenal, quelque chose qui va dans le sens de cette modernisation. En 1835, il répète, mais cette fois-ci par terre, il va jusqu'à İzmit, et enfin, en 37, 2 ans avant de mourir, il fera un grand tour de la Roumélie. Et ça, c'est quand même assez important, puisqu'il va rester absent de la ville pendant des semaines entières. Il s'embarque pour Varna, en Bulgarie. De Varna, il va à Silistrie, en passant par Ruse, par Rustchuk. Il repasse par Turnovo, pour enfin rejoindre de nouveau Istanbul. Et les descriptions que nous avons, parce qu'il se fait accompagner de l'historiographe de l'Empire, les descriptions que nous avons sont assez détaillées pour nous faire une idée de comment ça se passe. C'est-à-dire que là-bas aussi, il se comporte comme dans la capitale, c'est-à-dire qu'il se met en scène. Il se donne à voir, il effectue des inspections, des tournées, des casernes, des établissements militaires, il parade, etc. Donc, et il s'adresse au peuple. Alors ça, c'est du jamais vu, ou plutôt du jamais entendu, puisque le sultan, et ça, on en avait vu un exemple la dernière fois, le sultan se tait. Le sultan, ce qui fait la majesté du sultan, c'est non seulement qu'il est complètement retiré de la vie, mais c'est qu'en plus, il ne parle pas. C'est ce qui lui donne un air de grandeur, une sorte de flegme, etc. Il ne parle pas, c'est s'abaisser. Or, on l'a vu la dernière fois, pointer du doigt un bektachi dans le coin, barbu hirsute avec un turban vert, en disant « attrapez-le ». Et ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde parce que ce n'est pas comme ça qu'un sultan se comporte. Là, ce qu'il fait, c'est encore différent, puisqu'il harangue la foule, il s'adresse à la foule, un souverain moderne qui commence à utiliser des moyens de communication qui sont tout à fait nouveaux. Donc, encore une fois, il est en train de se fabriquer, il est en train de se construire. Je vous rappelle, si vous avez l'occasion, dans un contexte tout à fait différent, de voir l'ouvrage de Peter Burke sur « The Fabrication of Louis XIV », « La fabrication de Louis XIV ». C'est un excellent ouvrage, très illustré et pour cause, où Peter Burke essaie d'expliquer comment l'image de Louis XIV s'est constituée pendant son très long règne, en commençant par ses pas de ballet en tant que prince ou roi soleil sur la scène, jusqu'à son masque mortuaire de 1715. Tout ça, ça fait partie de la construction de quelque chose qui n'existait pas avant, d'un caractère, d'un personnage politique qui est conscient de son désir et de ses capacités à communiquer sa présence, sa vision, son regard à un peuple. Évidemment, on en verra des exemples avec Mahmoud II, vu la différence entre la culture visuelle en Occident et celle des Ottomans, ça ne prend pas les proportions de Louis XIV, notamment. Il faudra vraiment attendre la République pour voir les premières statues émerger dans l'Empire ottoman. C'est surprenant. Ils se modernisent énormément, mais contrairement aux Égyptiens qui, dès les années 1850-60, vont pratiquer l'art de la statue et vont, par conséquent, ériger des statues de Khedive, etc., les Ottomans ne vont pas le faire. Il n'y a qu'une exception, une petite statue équestre de Abdulaziz avec une histoire assez drôle derrière. Mais enfin ça, on en parlera dans 3 ans lorsqu'on parlera des années 1860. J'exagère. Enfin, à peine. Mais donc, c'est une construction orientale. C'est une construction avec les moyens du bord, mais c'est une construction qui reste quand même extrêmement radicale, extrêmement différente de la rhétorique, de la symbolique que les Ottomans possèdent jusque-là. Alors, la réforme de l'uniforme et du costume, et là, je distingue de ce que nous avions vu au début, ce n'est pas simplement l'armée, c'est toute l'administration, toute l'armée, c'est pas seulement la Asaraki le Mansouré, mais toute l'armée, toute la bureaucratie à qui l'on impose le nouveau costume. En fait, il a même commencé par l'imposer aux oulémas. C'est-à-dire qu'il a imposé aux membres du clergé, entre guillemets, d'abandonner le turban, d'abandonner le caftan, d'abandonner tout ce que l'on associe avec la physionomie orientale, si vous voulez, des docteurs de la loi, et il leur a imposé la redingote étriquée, le pantalon, etc. Apparemment, ça n'a pas duré très longtemps, il y était allé un peu trop fort, disons. Mais pour le reste, on leur impose... Alors, cette image qui est assez touchante parce que c'est un album ottoman, alors quand on dit le règne du sultan Abdul Mahmoud, on voit bien que c'est un admirateur d'Abdul Hamid qui est en train de rétroprojeter l'Abdul de son propre maître sur un de ses prédécesseurs, mais en gros c'est ça, c'est le pantalon. C'est la redingote qu'on va finir par appeler la stambouline, une sorte de redingote un peu étriquée. Ce sont bien sûr ces rajouts, la ceinture, les épaulettes, etc. Et c'est bien sûr le fez. Le fez qui changera de forme, mais qui en gros restera plus ou moins le même. Le fez qui est un bonnet de feutre dont la spécialité est entre les mains des Tunisiens. L'importation des fez se fait essentiellement de Tunisie. C'est en Tunisie que au XVIIIe siècle, parce que beaucoup de gens portent le fez ou la calotte ou le bonnet, notamment les Grecs. Les Ottomans parfois la portent avec un turban autour. Mais après 1829, ça devient en quelque sorte le couvre-chef national, celui qui est imposé. Et bien sûr, le sultan va devoir faire établir une fez-hane, c'est-à-dire une maison de fez, en fait le nom d'une usine dont la spécialité sera la fabrication des fez à l'intention de ce nouveau marché, celui de toute la petite bureaucratie, de toute l'armée de l'Empire qui se met à porter ces nouveautés. Alors, Mahmoud lui-même joue énormément avec cette vision extrêmement formelle de la modernité à travers le costume. Il décrète, en plus il joint à ce décret qui transforme les habitudes vestimentaires de la bureaucratie et de l'armée, il y adjoint des conseils vers le fait d'éviter le luxe, par exemple. C'est-à-dire qu'il voit dans le nouvel uniforme, dans le nouveau costume, une sorte d'économie, puisque le costume traditionnel ottoman est un costume où l'on peut faire des folies en utilisant des tissus extrêmement précieux, notamment des importations des Indes, des châles des Indes, etc., qui tout d'un coup font flamber les prix. Il faut se rendre compte que dans une société qui est encore pré-industrielle, il n'y a pas grand-chose dans lesquelles on puisse investir en matière de luxe. C'est-à-dire que les signes extérieurs de richesse, ils sont limités. Ils sont limités notamment à tout ce qui est bijoux, pierreries, etc. Alors on incruste tout de pierreries pour faire riche, les selles des chevaux, les pommeaux des sabres, etc. Et puis surtout, on investit et on thésaurise en fait les tissus. Les tissus extrêmement précieux, les brocarts, les velours, les châles, les cachemires. C'est ça, quand vous regardez un peu les inventaires après décès de dignitaires ottomans, vous verrez tout de suite qu'une grande partie de la valeur est conservée dans justement ce genre d'investissement, c'est-à-dire des vêtements, des textiles et bien sûr des pierreries et des bijoux. Et Mahmoud se fait faire une paire de tableaux par un Français, encore une fois, du nom de Hippolyte Berthaud, et c'est très amusant parce que c'est vraiment une paire de tableaux à programme, c'est-à-dire que c'est un exemple typique du before-after, du avant-après, puisqu'il se fait représenter avec sa suite dans le costume traditionnel et ensuite dans le costume moderne. Alors bien sûr, la richesse du costume vous fait immédiatement voir que la sobriété n'est pas forcément de mise. On peut bien sûr utiliser des textiles et des objets extrêmement précieux pour avoir un costume moderne, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il ait commandé ces deux tableaux, malheureusement, on n'a pas de date exacte pour cette commande, mais ça prouve bien à quel point il est vraiment obsédé, il est vraiment accroché à l'image, au désir de symboliser et de pérenniser en quelque sorte la manière dont il est en train de transformer cette société, à commencer bien sûr par lui-même. Donc, encore une fois, une révolution par le haut. Et c'est là qu'on voit des textes assez amusants, et encore une fois, ce sont les étrangers qui vous offrent ce qu'il y a de plus intéressant quand il s'agit de critiquer ou d'examiner avec un œil critique les transformations de l'époque, puisque, encore une fois, nous n'avons pas de petits pamphlets ottomans circulant, défendant l'ancien costume contre le nouveau, etc. La voix de l'opposition, la voix du petit peuple, la voix de ceux qui ne font pas partie de cette modernité, malheureusement, on ne l'entend que trop rarement. Mais en revanche, vous avez un type extraordinaire, ce Daubignosc, un ancien grognard, donc déjà, c'est un militaire donc qui a fait toutes les campagnes napoléoniennes, qui, en 1836, si je ne me trompe, est recruté par les Ottomans pour participer justement à l'entraînement et à la transformation des troupes. C'est un ouvrage en deux volumes où il parle justement de la Turquie nouvelle et il parle donc des réformes de Mahmoud. Ce qui est amusant chez Daubignosc, c'est qu'il est un peu, disons, un peu fou, quoi. Il est, c'est un original, si vous voulez. Et il y a beaucoup de réformes qu'il trouve extrêmement nuisibles au futur et au sort de l'Empire. Et le chapitre, il est très court, le chapitre que je préfère dans son ouvrage, c'est celui qu'il consacre, le chapitre 10, aux grandes moustaches. Il a tout un chapitre sur les grandes moustaches. En gros, ce qu'il y dit, c'est que la réforme de Mahmoud a éliminé, de la même manière que les janissaires, les moustaches. Ces belles moustaches qui étaient l'apanage très mâle, n'est-ce pas, de ces janissaires, a disparu, elle a été proscrite, et par conséquent, vous avez maintenant des soldats pratiquement imberbes, ou en tout cas bien rasés, qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'on associe avec la physionomie orientale, l'exotisme des siècles précédents. Et il s'en lamente. Il s'en lamente d'abord parce que c'est un orientaliste, et tout le monde l'est, c'est un des problèmes de l'orientalisme. L'orientalisme ne cessera de vous dire que ces orientaux sont attardés, arriérés, incapables de changer, et quand ils changent, ils vont se lamenter en disant « mais où est passée la splendeur, la beauté, l'exotisme de l'Orient que je connaissais ?» Donc, on perd à tous les coups. Et ça, c'est un phénomène extrêmement courant au XIXe siècle. Vous avez énormément de voyageurs, d'observateurs, etc., qui se lamentent sur la disparition de l'Orient qu'ils aimaient, de l'Orient qu'ils voulaient. C'est d'ailleurs pour cela, je vous en avais montré une image, qu'en 1852, à peine 25 ans après la destruction des janissaires, qui était quand même un mouvement politique, une décision politique extrêmement radicale, les Ottomans vont devoir se constituer un musée du costume ancien, dont la collection est en fait une série de mannequins en bois vêtus des costumes des janissaires. Pourquoi ? Parce que le touriste demande, parce que les visiteurs à Constantinople veulent voir la ville qui a disparu, veulent voir cet exotisme oriental. Donc Daubignosc, c'est ça, mais c'est aussi le fait que dans sa tête, la moustache est un privilège. Au-delà de l'uniforme, c'est quelque chose qui s'implique, qui se conjugue avec la bravoure, j'allais dire bravitude, des soldats, et que par conséquent, en leur retirant ça, on leur retire en quelque sorte leur masculinité, on leur retire le privilège qu'avaient certains de pouvoir arborer cette moustache qui en disait long sur leur valeur. Et donc il a tout un chapitre où il essaye de convaincre Mahmoud d'au moins accepter une sorte d'amendement à ce nouveau règlement par lequel les plus méritants auraient le droit de porter la moustache. Mais dans le même ouvrage, il parle du costume, et là vous voyez quelque chose qui est encore une fois très typique du 19e, ce tiraillement entre le désir de les voir changer et le fait de leur refuser le droit de changer, en parlant des Orientaux. C'est-à-dire le fait de dire que, en gros, l'uniforme moderne, les formes modernes, quelles qu'elles soient, qui sont importées d'Occident, elles sont propres à l'Occident et, par conséquent, si un oriental commence à les imiter, il finira par avoir l'air d'un singe. C'est-à-dire que ça n'est pas adapté à leur personnalité, à leur caractère. Encore une fois, un essentialisme tout à fait typique de l'orientalisme. Donc, en négligeant cette considération, on a rendu ridicule un peuple qui en imposait encore, il y a peu d'années, par une belle représentation. Aujourd'hui, il fait peine à voir. L'ampleur des anciens vêtements masquait ces infirmités acquises. Parce qu'en plus, ils sont difformes, n'est-ce pas? Ils ont les jambes arquées, etc., à cause le cheval. Enfin, tout, c'est de l'anthropologie essentialiste. Hein, je veux dire, c'est... Les habits serrés les dessinent et les rendent apparentes, ajoutés que tous se sont gauches dans leur nouvel accoutrement. Donc, toutes sortes de références extrêmement négatives à quelque chose qui est à cheval entre le fait d'usurper, en quelque sorte, quelque chose qui est propre au monde civilisé et la perte de la nature même de ces individus, gênés dans leurs habits et manteaux brodés, sortis de la main de tailleurs inhabiles, ne sachant pas porter les épées ou sabres, partis obligés de leur costume d'apparat, ils sont honteux eux-mêmes d'une métamorphose qu'ils jugent bien ne pas leur être favorable, et ils semblent partager l'hilarité, etc. Donc certains, ils les nomment Reshid Pacha, et Reshid Pacha c'est quand même l'un des personnages les plus important de cette réforme, notamment sous le successeur de Mahmoud, lorsqu'il est engoncé dans son costume occidental, ils ont l'air de singes, dit-il. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une opinion qui est partagée aussi par certains membres de la classe dirigeante. Mustapha Reshid Pacha, justement, celui dont on parlait à l'instant, est censé avoir dit, donc en se dépouillant de ses anciens vêtements, dit encore une fois le comte de Boilcomte, qui a été envoyé en mission en Orient en 1833-34 et qui envoie des rapports circonstanciés à Paris, il dit, en se dépouillant de ses anciens vêtements, maintenant, l'homme rejette en arrière son passé, prend un esprit et une existence nouvelle. Mais sans parler des regrets que laisse la beauté du costume oriental, la gêne et l'humiliation que le Turc éprouve dans nos vêtements modernes lui ôtent une partie de sa fierté, de son énergie, de son caractère national. Et ensuite, il cite ce qu'il attribue à Reshid Pacha. « Ce n'est pas seulement le corps qui est resserré et comprimé dans ses étroits vêtements, disait Reshid Pacha, c'est l'âme tout entière. » Alors, est-ce que vraiment des gens sont persuadés dans l'entourage de Mahmoud que Mahmoud est en train de les uniformiser pour leur ôter une partie de leur autonomie? C'est possible. Encore une fois, ça n'est pas que le côté purement militaire, purement technique, purement formel qu'il faut prendre en considération, puisqu'il y a là un désir d'homogénéiser et de réduire par conséquent les différences en rendant tous les sujets, notamment cette classe bureaucratique, plus malléable, plus standardisée. Donc la modernité, après tout, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la modernité en Occident, elle aussi, elle amène énormément de nivellement, si vous voulez, de différences qui, à l'époque, faisaient l'apanage de certaines classes, de certaines professions, etc. Et par conséquent, elle efface, elle gomme des différences qui pourraient avoir une valeur sociale, une valeur culturelle beaucoup plus importante. Est-ce que Mahmoud est conscient de ce qu'il est en train de déconstruire, en quelque sorte, le dignitaire ottoman? Je ne sais pas, mais je pense que, encore une fois, en faisant confiance à ces observateurs occidentaux et à leurs petits rapports, qui toujours ont un rapport avec la vérité, avec même très anecdotique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on étudie, en quelque sorte, l'impact social de toutes ces transformations. Je vous le disais, l'une de mes passions est la nécrophilie, allais-je dire, puisque je travaille énormément sur l'art funéraire ottoman, l'épitaphe, etc. Et j'ai constaté statistiquement, entre guillemets, mais quand même, on a quand même travaillé sur un corpus de stèles assez important pour que ce soit au moins de la pseudo-statistique, j'ai constaté que vers la fin du 19e siècle, la tradition ottomane d'avoir un couvre-chef tend à disparaître. Pourquoi ? Parce que avec la réforme de 1829, vous voyez tout de suite un reflet sur les stèles, c'est-à-dire que les stèles commencent à s'orner de fez. Et ça, vous le voyez dans les décennies qui suivent, mais de moins en moins. Et pourquoi ? Essentiellement parce que le fez est d'une banalité surprenante, c'est-à-dire que le fez ne permet plus de distinguer tel groupe d'un autre, tel individu d'un autre, les turbans avaient des formes diverses et variées qui avaient toutes un sens, tandis que le fez, il est uniforme, c'est un pot de fleurs renversé, que porte aussi bien l'épicier grec que le regrattier arménien, que le sous-fifre de bureau, il est identique, et par conséquent, il perd son sens. Puisque le sens dans l'art funéraire était de distinguer les individus et de donner une apparence du vécu, une référence au vécu, au statut de l'individu qui est inhumé. Et par conséquent, de manière très logique, les Ottomans commencent à se débarrasser du fez sur les stèles et le remplacer par des fleurs, par des flammes, des éléments baroques, des obélisques. On va vraiment dans la modernité, on oublie complètement cet anthropomorphisme qui n'a plus d'utilité parce que le fez a, en quelque sorte, effacé toutes les différences. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Ethem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » dans les années 1820-1830, aujourd'hui, réformer et reformer l'État et la société. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Ethem Eldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villose de la Discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Collaboratrice, Claude Lannot. Demain, Ethem Eldem poursuivra son analyse des images, des symboles et des réformes et posera la question de savoir si Mahmoud II pose les bases d'un État moderne. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.